Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. À marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1917. Il y a bien une photo qui circule dans L'Aveugle, The Blind Man, le fanzine satirique de Marcel Duchamp et sa bande, mais j'ai décidé d'aller le voir en vrai. Je parle de l'urinoir, la pissotière, la fontaine qui fait scandale et qui est exposée à la galerie Alfred Stieglitz au 291 Fifth Avenue. Stieglitz, c'est celui qui a fait connaître Picasso, Matisse et Cézanne à New York. Il s'est récemment lancé dans la photo, mais c'est chez lui apparemment que Duchamp et ses amis ont décidé de faire trôner cette œuvre jugée immorale et vulgaire. Here in New York. Cet urinoir à l'envers, c'est un peu l'exemplaire unique de ce qui pourrait constituer le salon des refusés de la première exposition de la Société des artistes indépendants de New York. Chez Stieglitz, le ready-made est placé juste devant une photo des troupes américaines qui viennent de s'engager dans la Grande Guerre au nom de la démocratie. Ready-made, c'est comme ça que Marcel Duchamp désigne ses nouveaux projets. Il a 30 ans et depuis 4 ans déjà, il a décidé qu'il était arrivé au bout de la peinture. N'est-ce pas, le ready-made est l'idée suivante qui est venue par hasard, comme toutes les choses qui ont une valeur quelconque. Le fait, par exemple, j'avais chez moi une roue de bicyclette dans mon atelier en 13. Je pensais à un feu de bois. Donc j'ai mis ma roue sur un tabouret et chaque fois que je passais, je la faisais tourner. C'est au fond le premier remède dans ma vie. Vraiment, l'idée m'est venue, mais sans que ça doive avoir une continuation quelconque. C'était une chose qui m'amusait et même le mot remède n'existait pas. Je ne m'en étais pas encore servi pour ça. Peut-être que ce petit milieu de l'art est vexé. Le jury de la Société des artistes indépendants de New York se targuait d'accepter toutes les œuvres, d'être plus tolérant et progressiste qu'en Europe, où se tiennent des salons crispés sur les dogmes et les académismes. On peut se servir de tubes de couleur, on peut se servir de pinceaux, mais on peut se servir aussi d'une chose toute faite et se l'approprier, puisque c'est vous qui l'avez choisi. Le choix est la chose principale. Cet urinoir, d'ailleurs, il est signé noir sur blanc « Hermut », qui signifie « cabot ». En fait, Hermut et Marcel Duchamp sont la même personne et on le sait depuis peu. Il a donc testé l'ouverture d'esprit de cette Société des artistes de New York et ils sont tombés dans le panneau. Ça n'est pas du tout l'idée, justement, de l'œuvre d'art. Comme on l'a vu, c'est l'idée que ça a été choisi et que, pour ainsi dire, c'est sacré parce que choisi. Et c'est assez clair comme définition. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, un siècle plus tard, c'est que le canular de Duchamp continue de faire des victimes qui s'ignorent. J'ai vu New York, New York USA. Bien sûr, la première ridiculisée fut la Société des artistes de New York, à qui Duchamp aura démontré qu'on ne peut pas défendre une liberté de l'art tout en posant les limites de l'acceptable et de l'inacceptable. Mais au-delà du milieu arty, en 1917, ce sont les limites de l'œuvre qui explosent à tout jamais avec cette pissotière. Auteur du dernier guide de l'art contemporain chez Hazan, Roxana Azimi confirme. Il ouvre les limites, c'est-à-dire l'œuvre, ce n'est pas juste un objet, c'est une attitude. C'est ce qui donnera plus tard l'esprit de les attitudes deviennent forme. C'est-à-dire c'est le bon vouloir de l'artiste qui prime, c'est la démarche, c'est son processus mental qui prime, plus que l'objet en question. Il ouvre toute la porte de l'art conceptuel, c'est-à-dire ce n'est plus l'objet façonné par l'artiste dans son atelier qui compte, c'est son concept et l'artiste peut déléguer, notamment à une entreprise de fabricants de sanitaires, la réalisation de l'œuvre. Donc cette polémique autour de l'urinoir est considérée comme un peu le moment marquant de ce qu'on appelle l'art contemporain d'aujourd'hui. On est en 1917, mais en même temps, l'art contemporain d'aujourd'hui se réclame d'une chose qui s'est produite il y a plus de 100 ans. Qui ne dirait pas, comme Roxana, que l'art contemporain naît avec Marcel Duchamp ? Le problème, c'est que notre art contemporain s'est réenfermé très vite dans le sérieux. Les artistes post-conceptuels, le jargon de la critique, chacun se réclamant d'un urinoir qui, en réalité, les ridiculise tous. Tu n'es pas bien là, regarde-le d'ici. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde de 200 000 francs. Il te plaît ? Ah oui. Ah oui, oui, écoute, oui, ah oui. Là. Évident. Évident et en même temps... Paradoxal. Probablement. Ce qui est intéressant, en fait, dans la postérité de Duchamp, c'est que des artistes extrêmement différents les uns des autres, en fait, s'en réclament aujourd'hui. Presque aujourd'hui, tout le monde se dit duchampien. Ne pas être duchampien, ça serait ne pas être artiste, presque. Même les peintres, quelque part, se réclament d'une peinture intelligente, signifiante, duchampienne, ce qui est un paradoxe et c'est grotesque. Mais en fait, on est duchampien ou on n'est pas. Et c'est ça qui est problématique, c'est que Duchamp voulait ouvrir le débat. Il voulait montrer qu'il ne faut pas avoir de carcan, il ne faut pas avoir de grille de lecture, et qu'au contraire, il faut repousser les limites sans arrêt. Et au XXe, XXIe siècle, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on a reconstruit les murs, on a refait des limites, et c'est devenu un dogme. C'est-à-dire, ce qui était un exercice de liberté s'est transformé en dogme. S'est transformé, pire que ça, en maniérisme. En fait, il y a une espèce de maniérisme intello-pompier qui fait que, voilà, il faut être héritier de Marcel Duchamp, qui veut tout dire et rien dire. Parce que la plupart de ces héritiers aujourd'hui, ce qu'ils ont oublié en chemin, c'est la malice, c'est la liberté, c'est justement l'absence de dogme. Ce que nous disait déjà en 1917 cet urinoir présenté sous pseudo, c'est que l'artiste révolutionnaire, et donc le Duchamp d'aujourd'hui, n'est ni dans les prix du même nom, ni dans les institutions. Il franchit les limites quelque part dans le maquis. Une astuce, s'il se présente comme duchampien, ça n'est pas lui. Tu as dit modernissime, comme si moderne était le nec plus ultra du compliment, comme si parlant d'une chose on ne pouvait pas dire plus haut, plus définitivement haut que moderne. Et alors ? Alors rien.